Chapitre 17, page 135, exercice 4. 1. Sylvie n'a aucune connaissance en mathématiques. C'en est choquant. 2. Ce grand cuisinier a une énorme expérience. Il sait trouver des astuces à la dernière minute. Il sait aussi rattraper une erreur sans que le client s'en aperçoive. 3. Michel connaît énormément de choses sur la musique. 4. Marius a 17 ans. Il débute dans le métier. Il est adorable, mais il ne sait pas grand-chose encore. 5. Henri sait faire toutes sortes de choses. Il connaît aussi bien la mécanique que la menuiserie et le jardinage.